Sainte Thérèse d'Avila. Pensée sur l'amour de Dieu. Qui est comme une explication de quelques paroles du Cantique des Cantiques. Ces pensées peuvent passer pour une suite de la septième demeure du château de l'âme, tant la sainte y parle d'une manière admirable, et élevée de ce qui regarde cette septième demeure. Chapitre 1er. Sur ces paroles de l'épouse dans le Cantique des Cantiques, que le Seigneur me baise d'un baiser de sa bouche. Du respect que l'on doit avoir pour ce qui ne nous paraît pas intelligible dans l'Écriture sainte. Ce qui a porté la sainte à prendre la liberté d'expliquer ces paroles du Cantique des Cantiques. De quelle sorte se doivent entendre ces mots de baiser et de bouche? Marc Emdan, wordpress.com, d'après, abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique. Du respect que l'on doit avoir pour ce qui est obscur dans l'Écriture sainte. En lisant attentivement ces paroles, j'ai remarqué qu'il semble que l'âme, après avoir parlé en tierce personne, lorsqu'elle dit, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, adresse la parole à une autre en ajoutant, le lait qui coule de vos mamelles, est plus délicieux que le vin. J'avoue n'en comprendre pas la raison. Et j'en suis bien aise, parce que nous devons avoir beaucoup plus de respect pour les paroles qui surpassent notre intelligence, que pour celles que nos faibles esprits, sont incapables de concevoir. C'est pourquoi, mes filles, lorsqu'en lisant et en entendant des prédications, ou méditant les mystères de notre sainte foi, il y aura des choses qui vous paraîtront obscures, je vous recommande extrêmement de ne vous point gêner pour en chercher l'explication. Cela n'appartient pas à des femmes, ni même à la plupart des hommes. Que s'il plaît à notre Seigneur de vous en donner l'intelligence, il le fera sans que vous ayez besoin de prendre pour ce sujet aucune peine, ce que je ne dis que pour les femmes et pour les hommes qui ne sont pas obligés à soutenir la vérité par leur doctrine. Quant à ceux que Dieu y engage, ils doivent sans doute y travailler de tout leur pouvoir, et ce travail ne leur saurait être que fort utile. Mais pour ce qui est de nous, nous n'avons, sans nous mettre en peine du reste, qu'à recevoir avec simplicité, ce qu'il plaît à Dieu de nous donner, et nous réjouir de ce que sa sagesse n'est en point de borne. Une seule de ses paroles contient tant de mystères, qu'il n'est pas étrange que nous soyons incapables de les comprendre. Car, sans parler du latin, du grec et de l'hébreu, à quoi il n'y a pas sujet de s'étonner que nous n'entendions rien, combien se rencontre-t-il d'endroits dans les psaumes qui ne nous paraissent pas moins obscurs dans l'espagnol que dans le latin? Gardez-vous donc bien, mes filles, Joël. Je répète encore, de vous en tourmenter inutilement. Ce qui ne va point au-delà de notre capacité, suffit pour des personnes de notre sexe. Dieu ne nous en demandera pas davantage, et il ne laissera pas de nous favoriser de ses grâces. Ainsi lorsqu'il lui plaira de nous découvrir ses sens, nous n'y trouverons point de difficulté. Et s'il ne veut pas lever le voile qui nous les couvre, humilions-nous et réjouissons-nous, comme je l'ai dit, de ce que le Maître que nous servons, est si grand et si admirable, que ses paroles, quoiqu'écrites en notre langue, ne nous sont pas intelligibles. Notre faiblesse est telle qu'il vous semblera peut-être, mes sœurs, que les paroles de ce cantique auraient pu être plus claires, et je ne m'en étonne pas, ayant même entendu dire à quelques personnes, qu'elles appréhendaient de les lire. Que notre misère, mon Dieu, est déplorable, car n'a-ce pas ressemblé à ces bêtes venimeuses, qui convertissent en poison tout ce qu'elles mangent, que de juger selon notre peu d'amour pour vous, de ces faveurs dont vous nous obligez, pour nous apprendre, par l'avantage que nous tirons de vous aimer, qu'il n'y a rien que nous ne devions faire pour nous rendre dignes de jouir du bonheur de votre compagnie. Et répondre, par l'ardeur de notre amour, à celui que vous nous portez? Hélas! Seigneur, que nous profitons peu de tant de bien que vous nous faites. Il n'y a point de moyen que vous n'employiez pour témoigner votre amour, et nous le reconnaissons si mal, que nos pensées continuent toujours de se tourner vers la terre, au lieu de les porter à admirer les grands mystères, à confirme ce langage du Saint-Esprit. Car qui devrait être plus capable de nous enflammer de l'amour de Dieu, que de penser que ce n'est pas son sujet, qu'il nous parle de la sorte? Mais l'aveuglement des hommes est si grand, que j'ai vu avec étonnement qu'un religieux ayant fait un sermon admirable sur le sujet des faveurs que Dieu fait à l'âme comme à son épouse, et qui n'était fondé que sur les paroles de ce cantique, il excita la risée de son auditoire, à cause qu'il y parlait d'amour, comme s'il eût pu n'en point parler. Mais je connais, au contraire, des personnes qui ont tiré tant d'avantages de ces saints discours, qui les ont délivrés de leurs craintes, et portés à rendre des actions infinies de grâce à Dieu d'avoir bien voulu, par un remède si salutaire aux âmes qu'il aime avec ardeur, leur faire connaître qu'il s'humilie pour elles jusqu'à les considérer comme ses épouses, sans quoi elles ne pourraient cesser de craindre. Et j'en sais une entre autres qui, ayant passé plusieurs années dans ses appréhensions, ne se put rassurer que par certaines paroles de ce cantique, que Dieu permit qu'ils lui furent dites, et qu'ils lui firent connaître, qu'elle était en bon chemin. Ce que je comprends sur cela est, qu'après qu'une âme, par son amour pour son saint époux, a renoncé véritablement à toutes les choses du monde, et s'est abandonnée à sa conduite, elle éprouve ses peines, ses défaillances, ses espèces de mort, et en même temps ses plaisirs, ses joies et ses consolations, dont j'ai parlé en d'autres traités. Ô mes filles, que vous êtes heureuses d'avoir pour Seigneur et pour époux, un Dieu à la connaissance duquel rien ne peut se dérober, qui est si bon et si libéral, qu'il vous récompensera des moindres choses que vous ferez pour son service, comme si elles étaient fort importantes, parce qu'il ne les considère pas en elles-mêmes, mais les mesure par l'amour que vous lui portez. Je finis ceci en vous avertissant encore de ne vous point étonner quand vous rencontrerez dans l'Écriture et dans les mystères de notre foi, des endroits que vous n'entendrez pas, et des expressions si vives de l'amour de notre Seigneur pour les âmes. Celui qui nous a témoigné par des effets, qui allant si fort au-delà de toute parole, montre qu'il n'y a point en ceci d'exagération, m'étonne beaucoup davantage, et me met comme hors de moi-même, lorsque je pense que nous ne sommes que de misérables créatures si indignes de recevoir tant de preuves de sa bonté. Je vous conjure, mes filles, de bien peser cet avis et de le repasser par votre esprit, puisque plus vous considérez ce que l'amour de notre Seigneur lui a fait souffrir pour nous, plus vous connaîtrez que bien loin que ces paroles de tendresse, qui vous surprennent d'abord, et des expressions trop fortes, elles n'approchent point de l'affection que ce divin Sauveur nous a témoigné par toutes les actions de sa vie, et par la mort qu'il a voulu endurer pour nous. Ce qui a porté la sainte à oser expliquer ces paroles du cantique. Pour revenir à ce que j'avais commencé de dire, il faut que ces paroles du cantique, que je vous ai proposées comprennent de grands mystères, puisque des personnes savantes, que j'ai priées de m'expliquer le véritable sens, que le Saint-Esprit a renfermé, m'ont répondu que tant de docteurs qui ont écrit sur ce sujet, n'ont pu encore y en trouver dont on soit demeuré satisfait. Ainsi vous auriez sujet de me croire bien présomptueuse, si je prétendais d'y en donner un. Ce n'est pas aussi mon intention, et quoique je ne sois pas si humble que je devrais, ma vanité ne va pas jusqu'à me croire capable de réussir dans un tel dessein. Je prétends seulement de vous dire des choses, qui pourront peut-être vous consoler autant que je le suis, lorsqu'il plaît à notre Seigneur de me donner quelque petite intelligence de ce que l'on a dit sur ce sujet. Et quand même ce que j'en écrirai ne serait pas à propos, il ne pourra au moins vous nuire, puisqu'avant que vous le voyiez, il sera examiné par des gens savants, et que pourvu que nous ne disions rien de contraire à la créance de l'Église et aux écrits des saints, je crois que notre Seigneur nous permet de proposer les pensées qu'il lui plaît de nous donner, de même qu'en méditant attentivement sa passion. Nous pouvons nous représenter beaucoup de choses des tourments qu'il y a souffert, que les évangélistes n'ont point rapporté, joint que n'agissant pas en cela avec curiosité, mais ne voulant que recevoir les lumières que Dieu nous donne, Je ne saurais croire qu'il est désagréable, que nous cherchions de la consolation dans ses actions si admirables et ses paroles si saintes. Comme un roi, au lieu de trouver mauvais qu'un jeune enfant, qui lui plairait, fût surpris de la beauté et de la richesse de ses habits, prendrait plaisir à voir l'étonnement qu'il en aurait. Notre Seigneur n'a pas désagréable que nous autres femmes, considérions avec admiration, les trésors renfermés dans ses divines paroles, que nous nous flattions de la créance d'y comprendre quelque chose, et que nous fassions part aux autres de nos pensées après qu'elles auront été approuvées par des personnes savantes. Ainsi je ne prétends pas, mes filles, que vous me regardiez en ceci que comme ce prince regarderait cet enfant, ni vous proposer mes pensées qui pourront être mêlées de beaucoup d'impertinence, que comme une consolation que je me donne en les communiquant à mes chères filles. De quelle sorte se doivent entendre ces mots de baiser et de bouche? Je vais donc commencer, avec l'assistance de ce grand roi, et la permission de mon confesseur, à vous faire part de mes pensées, et je prie sa divine majesté de m'accorder la même grâce de bien rencontrer en quelque chose, qu'il m'a fait tant d'autres occasions, peut-être pour l'amour de vous. Mais quand cela n'arriverait pas, je ne saurais avoir regret au temps, que j'emploierai à l'écrire et à m'occuper d'un sujet qui est si divin, que je ne suis pas digne d'en ouïr seulement parler. Il me semble que par ces paroles, dont j'ai dit au commencement que l'épouse, se sert pour parler en tierce personne à celui avec qui elle est, le Saint-Esprit veut nous faire entendre, qu'il y a deux natures en Jésus-Christ, l'une divine et l'autre humaine. Mais je ne m'y arrêterai pas, mon dessein n'est de traiter que de ce qui peut servir aux personnes de raison, quoique tout puisse servir pour encourager et donner de l'admiration aux âmes, qui ont un ardent amour pour notre Seigneur. Il sait que, encore que j'ai entendu expliquer quelques-unes de ses paroles, ce n'a été que rarement, et que j'ai si peu de mémoire, que je n'ai pu en retenir un seul mot, ainsi je ne saurais dire que ce que notre Seigneur m'en a appris, et je suis fort trompé si l'on n'a jamais rien dit touchant ses premières paroles. Quelles paroles, ô Seigneur mon Dieu! Est-il possible qu'un ver de terre ose les adresser à son Créateur? Soyez-vous béni à jamais, Seigneur, de nous apprendre de quelle sorte nous pouvons parler à vous en tant de diverses manières. Mais, mon roi, qui sera assez hardi pour y user envers vous de semblables tenues, si vous ne lui en donnez la permission, on ne saurait y penser sans étonnement, et l'on s'étonnera aussi peut-être de m'entendre dire, que personne n'use de ces termes. On pourra s'imaginer que ces mots de baiser, et de bouche ayant diverses significations, ce que je viens de dire est une folie, puisqu'ils se peuvent expliquer d'une autre manière, et qu'ainsi il est évident que nous ne devons pas prendre la liberté d'en user en parlant à Dieu, ni d'exposer de semblables termes à la vue des personnes simples et grossières. Je demeure d'accord que ces divines paroles se peuvent expliquer diversement, mais une âme si embrasée de l'amour de son divin époux, qu'elle est tout hors d'elle-même, ne saurait en employer d'autres, ni leur donner un autre sens, que celui qu'elles ont naturellement. Qu'y a-t-il donc en cela, mon Dieu, qui doivent tant nous étonner? Et n'y a-t-il pas incomparablement plus de sujets d'admirer, que vous voulez bien nous faire cette inconcevable faveur de vous recevoir, vous-même dans la Sainte Eucharistie, pour devenir notre nourriture? Il m'est venu dans l'esprit que c'est peut-être ce que l'épouse demandait par et parole à Jésus-Christ son époux, ou bien qu'il lui plut de s'abaisser jusqu'à vouloir faire cette si étroite union avec la nature humaine, qui le rend tout ensemble Dieu et homme, puisque chacun sait que le baiser est une marque de paix, d'amitié et d'alliance entre deux personnes, et je prie sa divine majesté de m'assister pour faire entendre combien il y a de sortes de paix. Mais avant que de passer outre, j'ai, mes filles, un avis important à vous donner, et la crainte de l'oublier me le fera mettre ici, quoiqu'il fût peut-être plus à propos d'en parler ailleurs. C'est que si ceux qui, étant en péché mortel, osent s'approcher du très saint sacrement, dont Dieu veuille que le nombre ne soit pas si grand que je le crois, entendaient une personne comme mourante, par la véhémence de son amour pour Dieu, proférait ces paroles du cantique, il ne s'en étonnerait pas seulement, mais l'attribuerait à une hardiesse insupportable. Ces censeurs de ce qui n'entend point, n'ont garde d'user de ces paroles, ni d'autres semblables qui se trouvent, aussi dans ces admirables cantiques, parce qu'il n'y a que cet ardent amour de Dieu, qu'ils n'ont point qui les fasse proférer. Ils peuvent bien les lire et les relire dans ce divin livre, mais n'ont pas s'en servir. Et comment oserait-il les avoir en la bouche, puisqu'on ne saurait seulement les entendre sans être touché de crainte, tant elles et sont pleines de majesté? Celle que vous avez, Seigneur, dans le Très-Saint Sacrement, est sans doute merveilleuse, mais comme la foi de ces personnes n'est qu'une foi morte, il n'y est pas sujet de trouver étrange que, ne leur faisant point la faveur de leur parler, parce qu'ils en sont indignes, et vous voyant si humiliés sous les espèces sacramentales, ils aient l'audace de faire des jugements si téméraires. J'avoue que ces paroles, considérées selon leur simple signification, seraient capables d'étonner les personnes qui les prononcent, si elles n'étaient point dans le transport qui les leur fait proférer, mais elles ne donnent nulle crainte à celles que notre Seigneur a comme tirées heureusement hors d'elles-mêmes. Pardonnez-moi, mon Dieu, si j'ose parler ainsi, et quelque grand que soit ma hardiesse, vous m'excuseriez sans doute quand j'en dirai encore davantage. Car, puisque le baiser est une marque de paix et d'amitié, pourquoi les âmes que vous aimez, ne pourront-elles pas vous demander, et que peuvent-elles désirer de vous, qui leur soit plus avantageux? Je vous demande donc, mon Sauveur, de me donner cette paix et ce baiser de votre divine bouche, qui est, mes filles, la plus grande faveur que nous puissions recevoir de son infinie bonté, comme vous le verrez dans la suite.